Aujourd'hui je suis dans mon monde, vous m'avez tous cassé les couilles. Le képi il fait sa ronde, il contrôle, il cherche l'embrouille. J'aimerais toucher les étoiles, mais va défaire le tour de la terre. Oubliez-moi, je me dévoile, je me relève quand je tombe par terre. Tu squattais le quartier, on t'a plus vu pour taper là. Tu étais à l'escale, tu dis à tout le monde que t'étais à Marbella. Elle fait celle qui monte sa vie, je crois qu'elle a pas vu la tête qu'elle a. Là c'est tout, c'est pas Caprel, mais je crois bien que je vais les faire caprer là. Je passe pas trop à la télé. Angela, moi qui vends du wap. Pendant que papa fait le fortuné. Poteau, m'écoutez, on se faisait confiance, on s'écoutait. Chez qui sont tous refaits quand on se fait la tête qu'on est dégoûté. Je fais le sourd quand on me dit des choses sur vous. J'ai à moi, je sais pas, j'étais pas là, je faisais mon tour. Là, je me vois pas briller, je sais pas pourquoi, j'ai toujours l'air qui est. Je fais dodo à côté de mon sillé, j'ai peut-être fait la bise à des meurtriers. Aujourd'hui, je suis dans mon monde, vous m'avez tous cassé les couilles. Le képi, il fait sa ronde, il contrôle, il cherche l'embrouille. J'aimerais toucher les étoiles, mais va défaire le tour de la terre. Oubliez-moi, je me dévoile, je me relève quand je tombe par terre. Paparada, paparada, paparada, oh paparada, paparada. Les fashion n'aiment pas les couleurs, pourtant ça les gêne pas de mélanger les billets. On se dit wesh bien, hasta luego, à demain moi je vais roupiller. Tu dis que c'est ta gadi, frangin tu la vois même pas. Si tu veux mon avis, pour moi elle ne t'aime pas. Du mal à suivre le tempo, je vais briser le mur comme tempo. La chance moi je l'attends pas, c'est moi l'écriture à la compo. Maintenant c'est chaud gratté, des caméras, des képis partout. En chien pas one ça fait le coup avec un blow au casino partout. Aujourd'hui je suis dans mon monde, vous m'avez tous cassé les couilles. Le képi il fait sa ronde, il contrôle, il cherche l'embrouille. J'aimerais toucher les étoiles, mais va défaire le tour de la terre. Oubliez-moi, je me dévoile, je me relève quand je tombe par terre. Bad man.